Bonjour à tous, c'est Aurélien pour les coups de cœur d'Aurélien, donc sur Radio Guémozo, le lundi 8h-13h30. Bon, alors aujourd'hui mon coup de cœur c'est un jeu vidéo, donc c'est Diagaza 5 Alliance of Vengeance. Ceux qui aiment le tactique RPG doivent connaître. Donc il est sorti sur PS4 depuis 2015 et sur Nintendo Switch depuis 2017. Donc c'était un portage il n'y a pas longtemps, ils l'ont porté il y a pas longtemps sur Switch. Donc c'est un tactical RPG comme je viens de le dire, en solo, donc pas de multi. Et c'est du coup une exclue PS4 Switch qui est développée et édité par Nippon Ishii Software. C'est compliqué à dire. Je précise aussi qu'en fait dans ce jeu, c'est par chapitre, il y a 15 chapitres. Donc je précise pour ceux qui connaissent un petit peu, vite fait, moi j'ai fini le chapitre 1, c'est tout. Voilà. Bon, alors, je vais vous raconter vite fait la petite histoire de Diagaza. Et aussi, j'en ai oublié deux, je sais. En fait, j'ai voulu faire que Diagaza 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas fait les deux autres. Vous m'excuserez pour ceux qui connaissent bien la série. Bon. Donc la série, elle fait ses débuts au Japon en 2003 avec Diagaza Hour of Darkness. Qui plus tard, il sera des... en fait, ils vont changer le nom. Ils vont l'appeler Diagaza Afternoon of Darkness et Diagaza SD. Allez comprendre. Ils sont tous les deux sortis sur PS2 en 2003. Ensuite vient Diagaza 2, Cursed Memory, en 2006 sur PS2 et PSP. Donc, ensuite, à nouveau, il y a Diagaza 3, Absence of Justice, donc l'absence de justice, en 2009 sur la PS3. Et sur la PS Vita. Et pour finir, vient Diagaza 4 à Promise Unforgotten sur la PS3 en 2011. Donc vous avez remarqué, presque tous les 3 ans, ils en sortent un de Diagaza. Après 2015, ils sortent Diagaza 5 et 2017, Diagaza sur Switch. Donc, vite fait. En Europe, Diagaza 2 et 3, c'est Enix Square qui édite ce jeu. Seulement qui l'édite. Hein. Selon moi, c'est un très bon. Au fait, Enix Square, c'est un très bon studio. Hein. Ceux qui ont fait Tomb Raider et les Final Fantasy, donc c'est plutôt pas mal. Le 18 mai 2017, la série Diagaza avait en tout vendu plus de 3 millions de jeux vidéo dans le monde. Et vu que la série est un peu connue, ils se sont diversifiés. Il y a un manga et il y a un anime carrément. Le jeu est vendu à 60€ en magasin, je précise, et à entre 40 et 50 sur internet. Voilà pour les petites précisions. Donc, pour moi, ce jeu, c'est un super bon jeu, voilà. Je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que, en fait, ça change par rapport aux jeux que j'ai d'habitude. D'habitude, c'est plus Zelda, Breath of the Wild, Skyrim. J'aime beaucoup les open world. Alors que là, c'est vachement différent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est genre. Quand on n'est pas en combat, on a un petit terrain, on prend une petite minute pour le faire en long, en large, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire dessus, juste 2-3 persos à aller voir pour faire les mondes, on peut recruter des personnages, et avec ça, on va dans des mini sous-mondes, c'est des endroits où on va combattre des troupes, donc les troupes de Lost, c'est les méchants. En fait, c'est un jeu tour par tour, c'est des petits carrés, et chaque personnage a des trucs genre déplacement, attaque, vous voyez, c'est un petit peu de la stratégie, mais... Faut dire ça rapidement dans les premiers niveaux. Hein. Premier niveau, c'est surtout... tu les fais 2-3 fois, tu tapes comme un gros bourrin, puis c'est bon, tu les termines. Après, c'est plus la suite. Donc voilà, bon. Donc ouais, je vous conseille très fortement Diagaza 5, Alliance of Vengeance, sur PS4 et Switch. Malheureusement, si vous êtes plus PC ou Xbox, bah c'est un peu fichu. Vous passez à côté de quelque chose, mais bon. Allez, à la semaine prochaine, tous les lundis, sur Radio Guémozo, 8h-13h30. Au revoir.